Salut, donc moi c'est Greg. Je fais cette vidéo pour donner mon pour faire un petit retour sur le séminaire Focus Immo Live que je viens d'aller voir donc à Paris. Et donc moi donc je m'appelle Grégory, j'ai 23 ans, j'ai une entreprise internet. Et en fait bah, j'ai découvert Damien parce que je m'occupe d'une chaîne YouTube. Et j'ai pu traiter une vidéo où justement il intervient dans une interview. Et du coup, voilà, bah, j'ai entendu parler du séminaire. Et je commence à m'intéresser vraiment beaucoup à l'immobilier. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je suis allé voir ça. Et bah, mon retour, c'est que franchement, c'était super. J'ai appris énormément de choses. Ça m'a même changé un peu les idées par rapport à ce que je pouvais penser avant, à mes croyances limitantes, tout ça. Et donc du coup, je suis super content d'y être allé. Je recommande à tout le monde, je recommande à tout le monde d'aller voir un séminaire organisé par Damien parce que franchement, c'était top. On a pu échanger avec les gens. Voilà, j'ai appris plein de choses et franchement, c'était top. Et je le recommande vraiment à tout le monde, que ce soit du débutant jusqu'au confirmé. Franchement, il y a plein, plein d'informations à prendre. Et voilà, je voulais faire ce petit retour parce que franchement, c'était top. Et merci Damien. Allez, ciao.